Moi, je suis allé chez Métro hier, puis j'ai pas vu de cocaïne sur les étalages. Alors, j'imagine que si on veut s'en procurer, il faut passer par les marchés illégaux, qu'on soit ministre ou qu'on soit junkie. Christine Saint-Pierre en entrevue, il est resté poli pendant 8 minutes, c'est dire comment il est beaucoup plus charmant que Pauline Marois. Accueillons votre animateur, Jean-Philippe Vautier! Hey! Tabarouette! Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h. La soirée est encore jeune, hein, ce qui va nous laisser amplement le temps de nous remettre des déclarations de Jacques Duchesneau. Hein? Non, mais c'est que... Fred, ça va, bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais j'espère que vous apprenez rien là, avec ce que Duchesneau. Ben là, hey, Fred, ce qu'a dit Duchesneau, c'est quand même... ça n'a pas de bon sens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Voyons. Non, mais c'est sûr que c'est un peu stretché. Stretché. Quand André Boisclair aurait pris de la coke, voyons donc. On le savait, là. On savait quoi? Ben non, il l'a déjà dit, là. Je veux dire, voyons donc. Qui a pris de la cocaïne? Voyons donc. Ben voyons donc. Il a même avoué que c'était une erreur de jeunesse. Ben c'est nouveau, ça. Ça fait longtemps, ça, en plus, qu'il fait... Ben voyons donc. Ben oui, mais c'était en 2003. Hein? En 2003? Ben oui. Ben voyons. Ben oui, dans le temps qu'il était ministre, là. André Boisclair a été ministre. Oui. Comment on peut manquer de jugement de même? Non, mais tu t'es excusé quand même. Là. Non, je parle du PQ, le nommé ministre. Ça n'a pas de bon sens, mais sans quel manque de jugement. En tout cas, j'espère une chose. Hein, j'espère que c'est pas vrai, toutes ces allégations-là. Hein. Ben, je pense à ses enfants dans la cour d'école, puis je trouve pas mais ça correct. Non, mais il est gay, là. André Bois. Vous êtes sûr qu'on parle du même André Boisclair, là? Ben oui. Ah oui? Ben... Voyons, le gars proche, le gars de terrain, le proche des citoyens, là, hein, qui s'efface derrière les causes qu'il défend. Vous êtes sûr, là? Ah, mais là, vous dites ça, je suis sûr qu'on parle du même, là. Ah! Non, je pense que Jacques Duchesneau est allé trop loin, moi. Ah, mais surtout avec les liens qu'il a fait avec Boisclair, les Hells Angels, franchement. Là. Attendez un peu, là. Êtes-vous en train de me dire que les Hells Angels vendent de la drogue? Ben là! Puis je t'agache, ça fait longtemps aussi, cette affaire-là. Oui, mais on me dit jamais rien, ben moi. Ben là, vous ouvrez les journaux, franchement. Ben oui, mais en deux minutes, je viens d'apprendre qu'André Boisclair sortait qu'un Hells, puis qu'il vendait de la poudre à Duchesneau. Ben là, pas de bon sens. Faites pas juste les ouvrir, lisez-les aussi, les journaux. Non, moi, les lire. On va changer de sujet, ça me pompe trop. Cette on pourrait parler de l'UPAC, ça, c'est le fun, ça. Oui, ben il y a l'UPAC, on a appris une autre visite de l'UPAC au bureau du PLQ cette semaine, hein. Ils sont rendus à se faire un double de clé, je pense. Non? Vous pensez après trois dates seulement, il me semble que c'est vite un peu. Il me semble que c'est le coup de foudre dans ces deux-là. Ouais. Non, on dirait qu'ils ont de la fête pour être ensemble. T'sais. En tout cas, parlant de coup de foudre, ça en a été tout un entre Christine Saint-Pierre et Pauline Marois cette semaine. Oui, mais oui, je pense que c'est scatophile un peu, par exemple. Hein? Mais... Est-ce qu'on a... Ouais. Je sais pas, en même temps, ça aurait pu être pire, tu sais. Oui, ben. Elle aurait pu lui faire dessus, mais au lieu, à la place, hein, elle l'a envoyé faire ailleurs. Et ça, je pense que ça prend quand même du doigté, je trouve. J'avais pas vu ça de même, j'avoue. Parlant de s'envoyer faire, y a, c'est quasiment en fait ce que Nico Rizzuto a fait avec les contribuables cette semaine. On a appris qu'il a reçu un chèque de 381 000 $ en retour d'impôts. C'est un petit peu. On rit, mais c'est. Mais les gens chialent. Il doit déjà 1,2 million au fisc. Là. Ça va quand même aider à rembourser un peu. C'est quasiment le quart déjà là, qui est éclairé. C'est pas très bon en comptabilité. Moi, je fais même pas la différence entre un actif et un passif. Moi, je fais affaire avec le comptable. Moi. Ah oui, hein, c'est ça. Ben, le passif, c'est pas dur. Le passif, ben, il passe ses journées sur le divan. OK. Et puis l'actif? L'actif, c'est... honnêtement, je fais aussi affaire avec un comptable. Pas très bon là-dedans. Mais parlant d'actifs, il y a la campagne de financement de Denis Coderre qui est pas très active, visiblement, parce qu'il a décidé d'augmenter hein, les dons maximum à 300 $. Mais là, il avait dit qu'il les plafonnait à 100 $ avant la campagne pour éviter les dons douteux. Ouais, ça s'appelle de l'inflation. Ah, ouais, hein? Je sais pas si vous écoutez Denis Coderre parler, mais l'inflation lui sort carrément de la bouche. Ah ouais, hein? Un qui devrait peut-être moins parler, c'est M. Barilla, hein, le président de la compagnie de pâtes Barilla, là, qui font d'excellentes nouilles. Oui, il y en a une lui-même, d'ailleurs. Je trouve ça difficile. Je trouve ça dur. Ouais. C'est quoi son crime à ce monsieur-là, dans le fond, quand on y pense? Hein? Non, mais il a été sincère. Hein? Tout ce qu'il a dit, là, c'est qu'il ne mettrait jamais de couple gay dans ses publicités. Mais là, franchement, moi, c'est carrément homophobe. Ben, c'est même scandaleux. Comme si les gays mangeaient pas de péné, franchement. Mais non! Vous voulez dire tout ça de pâte, là? Oui, ben c'est okay, ça! Mais non! Mais moi, non! Moi, je trouve. Écoute, il n'y a pas tort, honnêtement. Il y en a tellement de couples gays dans les publicités, dans les médias. Vous trouvez pas? Ben là, hein? On est inondé de couples gays dans les publicités. Ben oui! La pub de Léon, là, avec les deux gars qui se freinent sur le divan, là, il me semble qu'il n'y a pas de bon sens. Vous n'avez pas vu celle-là? Non! Ah, c'est drôle, je ne sais pas quelle poche t'abonner. Ben oui! L'annonce des deux livreurs de pizza, là, avec le trou dedans. Y a ben pas voyons, de... non, c'est non. Quoi, j'ai pas vu ça, ce truc-là. Coudonc, je t'abonne à quel poste de TV, ben moi. Il y a aussi celle-là de la pub de Saint-Hubert, là, avec les deux travestis qui parlent de salade crémeuse. Ben là, franchement, voyons, non. Je vais dire comme Éric Kerr, où vous procurez-vous votre câble? Ouais, c'est une bonne question. Hey, OK, c'est assez. Heureusement, nos invités de ce soir ne s'aiment pas la controverse. Non. On reçoit tout d'abord Marcel Côté, candidat à la mairie de Montréal. Ouais. Bravo. C'est le premier candidat qu'on reçoit. En fait, dans la course à la mairie, parce qu'on a reçu Denis Coderre à plusieurs reprises. Ça, c'est le mari de Louise Arel, hein, si je comprends bien, c'est ça? Je pense qu'on t'en... J'ai pas suivi la campagne. Je pense qu'on t'en instance de divorce. Ah, ouais. On reçoit également le député libéral Jerry Sklavounos, qui est ici. Oui. Oui, on est très contents. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu le libéraux. Ah, un libéral. C'est pour ça qu'on a deux gars de l'UPAC assis dans la salle. Me demandez, ils viennent jamais seulement. Ils sont loin, ils sont pas nécessairement venus pour vous. Mais de toute façon, on va avoir le temps d'y demander parce que la soirée est encore jeune. Ah! On en dit des choses dans cette émission-là. Olivier Niquette, toujours en vie? Oui. OK, parfait. Les internets. Oui, les parlez-moi. Internets. Ben, les gens peuvent nous suivre sur twitter.com/lasoirée, mm-hmm. facebook.com/lasoirée est encore jeune, ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée, où ils pourront voir une affiche de campagne électorale de Georges Larac, où il nous présente son nouveau slogan « Laissez-moi être votre arbre ». C'est beau, hein? Mais c'est vrai que c'est ça, hein? Ouais. Parce que ouais, ça veut dire, mais c'est beau. Il y en a planté du monde dans sa carrière. Ah, les jeux de mots, par exemple. La semaine prochaine commence cette semaine. C'est fini. Beau. OK. Et cette semaine, notre courrier des auditeurs portait presque exclusivement sur le hockey. Fait qu'on se donnera pas la peine de répondre à ça. Le Canadien ne fera pas une série. Mais j'aimerais quand même qu'on écoute notre petite toune parce qu'elle est tellement bonne. C'est tout? Oui. Ah, mon Dieu. C'était pas bonne, vos questions. Ça a été une grosse semaine. On va aller trouver Jean-Sébastien Girard immédiatement. Jean-Sébastien! Ah, mon bon Jean-Philippe, mais comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Ah, ben oui, très bien, je vous remercie beaucoup. Et vous le savez, hein, vous l'attendiez avec autant d'impatience que les résultats de votre dernier dépistage de ITSS, mon bon Jean-Philippe. Ouais. Je vous parle évidemment du sixième volet de ma série, les grands entretiens, viens voir les politiciens municipaux. Ah, votre... Ah, c'est ma musique thème. C'est assez beau. Ouais, mais c'est... Oui. Dire que ça a été composé, cette musique comme ça. Fait que ça va être ça, Jean-Sébastien. Honnêtement, on tourne en rond avec votre affaire, hein? Et aujourd'hui, eh ben, je vous présente une politicienne dont on parle beaucoup, Jean-Philippe, depuis quelques jours. On en a parlé en début d'émission, André Boisclair, on le sait. Non, c'est pas André Boisclair. Je vous parle d'une politicienne qui n'ouvre pas la bouche quand elle parle. Louise Arel. Non, une politicienne ventriloque et sa marionnette. Ben, c'est ça, Marcel Côté, Louise Arel. Non, je vous parle de Lise Morin et sa célèbre marionnette virus et qui fout le saut. Ah! À Brossard, Jean-Philippe. Ben oui, la politique municipale, vous ça passe cette année. Vous avez réussi à l'avoir. Ben... Oui, on a réussi, Jean-Philippe, et je la raconte dans quelques minutes, simplement pour vous. Ben, je vous remercie beaucoup, Jean-Sébastien. Vous êtes toujours un apport extrêmement important à l'émission. Notre premier invité, Fred. Il a fondé le groupe Sécor, il a enterré Louise Arel et se présente surtout à la mairie de Montréal. Accueillons M. Marcel Côté! Monsieur Côté! Bonjour. Ah, ben là, vous avez une bonne poignée de main. Merci. Je m'inquiétais parce que je lisais Le Devoir il y a une couple de jours et puis Denis Coderre vous enseignait comment serrer des mains. J'ai appris ça. Ah, ben... Vous avez bien appris. Oui, oui. C'est un maître, hein? C'est un maître, s'il sait une chose, il sait faire une chose dans la vie, serrer des mains. Il sait bien la faire, cette chose-là, par contre. Il sait bien la faire. Est-ce que je peux vous inviter à prendre une bière? Oui, ah, oui, vous oui, savez oui. que c'est de la bière québécoise. En fait, à Montréal, tout le kit, ça serait bien embêtant que vous disiez non. Ben oui, c'est sûr. Ouais. Elle est sans gluten. Faites attention, des fois, sans ça explose. Sans gluten. Ouais. OK. Dans la bonne direction. Quand même, moi, ça a bien été. Écoutez, on est très contents de recevoir Marcel Côté. Quand on disait tout à l'heure que vous êtes le premier candidat à l'élection à la mairie de Montréal... Le plus brave. Ben, en fait... On a reçu déjà Richard Bergeron. On a reçu également Denis Coderre, mais c'était pas dans la campagne. C'est on ça. A reçu Louise Arel aussi. Ouais. Elle est venue nous voir. Donc là, c'est vraiment le début de la campagne. La semaine prochaine, je veux pas voler de punch, mais je pense qu'on a un petit... si dans deux semaines, on a un petit débat des chefs. Bon, de parti B, C. On vous a pas invité. mais ça, je veux pas voler de punch. Là. Non. C'est bien parti. Donc là, on ouvre le bal avec Marcel Côté. Et je vais vous dire, Marcel Côté, on connaît Richard Bergeron parce que ça fait longtemps qu'il est là. Ouais. On connaît Denis Coderre parce que ça fait longtemps qu'il est là. Bon, il n'était pas nécessairement là, mais il était un peu partout. Hein. Et on connaît aussi... On connaît de la place. Ben, il a serré beaucoup de mains. Il a serré beaucoup de mains. D'ailleurs, lavez-vous les mains après. Mais on connaît très peu Marcel Côté. C'est vrai. Comment ça se fait que Marcel Côté décide de se lancer en politique? Surtout quand on a un Denis Coderre qui, on le sait, va gagner. Ben, je m'ennuyais. C'est ça? Et, non, ça allait assez mal là, que j'ai décidé de plonger dans la piscine. Vous trouvez que ça va mal à Montréal? Ben oui. Je trouve que ça va assez bien. Ouais. Hein? Tout était tranquille depuis qu'il n'y avait plus de mer. Je trouvais qu'on voguait tranquillement dans quelque chose de... Ah oui, oui. Moi, c'était, je trouvais ça le fun, moi, quasiment. Mais non. Non. Ça va pas non. Si mal que ça, quand même. Qu'est-ce qui va mal, là, à part... Toutes, là. Mais non, en fait, je m'en allais prendre le pont Jacques-Cartier, puis je suis resté pris à peu près 2 semaines sur la boulevard René-Lévesque. Mais ça, c'est la Alors là, j'ai décidé, peut-être, qu'il faudrait aller faire avancer les voitures. Mais votre première erreur, c'est de prendre le pont Jacques-Cartier. Ouais. Ça, c'est fou. Ça être amateur, là, franchement, on prend plus. Ma deuxième erreur, c'est de vouloir venir ici à 5 heures. On sait que vous vous êtes associé avec Louise Arellon. On faisait des petites blagues tout à l'heure. Mais n'empêche que... C'était lourd. C'est... Hein? Les blagues, c'était lourd. Ah, c'était pas drôle. Voilà, on a fait ça pour faire plaisir aux gens. Ouais. Parce qu'on sait que les gens aiment rire. Moi, ça me faisait mal au cœur. Louise Arellon, c'est la reine de l'Est. Alors, si on prend l'Est, on prend Louise Arellon. Parce que, ben, justement... vous et avez... ceux qui n'ont pas pris Louise Arellon n'ont jamais gagné dans l'Est. Ah, c'est vrai, ça? C'est ça, hein? C'est ça. Fait que Louise Arellon, c'est un atout pour vous dans l'Est. C'est un gros atout. Mais vous n'allez pas l'amener faire votre épicerie à Pointe-Claire? Pas souvent. Elle va venir, elle va venir. Mais non, les gens de Pointe-Claire savent que je fais mon épicerie dans l'Est avec Louise Arellon. Mais à Pointe-Claire, mais pas à Pointe-Claire. Faites votre grosserie à Pointe-Claire. OK, on va à la Chine. À la Chine. À Ville-Saint-Laurent. À Ville-Saint-Laurent, je vais chez Adonis, mais je ne vais pas avec... Avec Louise. Non, je ne vais pas avec Louise. Non. Mais je vais dans le sud-ouest. Je vais avec... avec Louise à Sud-Ouest. Il faut toujours aller chercher un petit peu de francophone. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ça. Mais là, Louise Arellon, vous allez lui donner quelle place à Montréal quand elle va devenir... quand vous allez... une grosse place, une belle place. Une belle place. Elle va s'occuper de vous. Ben, qu'est-ce que j'ai elle fait? Elle va s'occuper de... De quoi? De Ville-Marie, c'est-à-dire elle va s'occuper de Radio-Canada. Je vais la mettre en charge de Radio-Canada. On parlait de Denis Coderre tout à l'heure qui allait avoir de bonnes chances. Qu'il y a de bonnes chances de gagner, puis on va se le dire. Il y a de très bonnes chances de gagner, Denis. Il y a de très bonnes chances. De gagner quoi, la loterie? La mairie de Montréal. Ah, la mairie. Ah, bon. Bien, on voit ses pancartes partout. Non, en fait, non. C'est ça, il a décidé de ne pas en mettre cette année, mais on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais M. Coderre, il est quand même en avance dans les sondages. Oui, il n'y a pas eu de sondage encore. Il n'y en a pas eu un. Je n'étais pas candidat. Ouais. Ah, c'est vrai, en même temps. Ouais, on va se dire. Mais vous avez assez de star power pour vous traîner jusqu'à Mont-Denis? Ah, mais sûrement. Hein, vous allez voir ça le 3 novembre. C'est quand? Est-ce qu'il y a des sondages pour la Ville de Montréal? Quand est-ce qu'on va voir ça, les sondages? Probablement soit demain, okay. Soit samedi, la semaine prochaine. Probablement, parce que c'est pas nous autres qui font un sondage. Mais non, on n'a plus d'argent, nous autres. Bien, c'est ça. Parlons d'argent. On va parler d'argent parce qu'on a su que Denis allait augmenter les dons maximum à 300 $. Ça, ouais. On a supposé que le financement, ça allait pas si bien que ça. Non, c'est pas que ça va pas bien, c'est que ça en prend beaucoup. En fait, la loi électorale était faite pour Saint-Émilie-de-l'Énergie. Ouais, ben oui, c'est une belle ville. Pour, c'est ça, Saint-Damien. C'est très beau. Vous connaissez Saint-Damien? À peine, mais j'aimerais Saint-Philomène? Ça. Non, mais Saint-Fulgence, okay, bon, je connais Saint-Fulgence. Saint-Fulgence. Alors, la loi est faite pour ça. Alors, à Montréal, c'est plus dur. À Montréal, là, c'est une ville un peu plus compliquée, à 1,7 million d'habitants. Ouais. Hein, c'est beaucoup. Hein. Ben oui, non, je sais pas. Et donc, ramasser ça à coût de 100 $, de 50 $ pour aller rejoindre 1,7 million de personnes, un peu plus compliqué. Mais bon, alors, il y a un problème dans la loi. Parce qu'avant, c'était quoi? C'était 1 000 $ le don maximum? On est capable de vivre avec parce que tout le monde est sur le même pied. Sauf Richard Bergeron, le Parti des riches. Ah. Richard Bergeron, c'est le parti millionnaire, c'est Richard Bergeron. Mais c'est vrai ce que vous dites? C'est bien, en fait, ça fait 4 ans qu'il est là. Il y a de l'air pauvre. Ouais, il y a de l'air pauvre, mais il est riche. Okay. Il y a de l'air pauvre, mais c'est le plus riche de la gang. C'est le plus riche de la gang. S'il fait le pauvre, là, il est un peu... Mais il n'est peut-être pas gaspilleux. Ah, bien, depuis 4 ans qu'il est là, il collecte des chèques du gouvernement, puis il les accumule. Alors là, il est arrivé avec... Lui, il est parti avec 200 000 $ et les autres candidats sont partis avec... 0 $. Ben oui, mais vous qui êtes un homme d'affaires, vous devez savoir que c'est dingue que ça marche. On va laisser M. Bergeron, avec son beau caractère, expliquer ça. Je me rappelle d'avoir discuté avec Mme Arellon, qui ne s'entendait pas très bien avec Richard Bergeron, à mon souvenir. Je me demande si elle a transmis cette bonne entente à vous. Non, en fait, ce que vous savez pas, c'est que Richard Bergeron, Denis Coderre et moi, on se voit une ou deux fois par jour. Et il y a toujours des gens qui nous demandent de prendre nos photos ensemble, de prendre un portrait du groupe. Et on se rend compte aux mêmes événements parce qu'on court après le monde. Ben oui! Alors on se rend compte ensemble. Fait, mais est-ce que l'entente est bonne entre ces trois? L'entente est très bonne lorsqu'on est ensemble, et du moment qu'on n'est plus ensemble, on commence à... À vous lâcher lousse. À se lâcher lousse. C'est bien correct. C'est bien correct. Lâchons-nous lousse. C'est comme à Radio-Canada, quand oui. votre boss n'est pas là. Ben c'est niaisant, ma boss elle est là. Non mais on rit, mais elle, dans, elle, justement là, elle est passée. Il est gentil, ça fait bien mal. Hein, non, il est gentil. Je suis plus smooth là, depuis que je l'ai vu arriver. Ben fait ouais. que, non, je n'y reste pas avec ça. Mais lâchons-nous lousse, là, on va parler de sujet en vrac parce que cette semaine, okay. on a eu des grosses annonces sur le plan municipal à Montréal. On parle d'un tramway en 2017 de la part de Richard Bergeron. Ben ouais. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, moi, j'ai hâte de le prendre. 2017, ben on va l'avoir. Il faut que vous allez prendre de la rue de la Canardière ouais. à la rue de je sais pas trop quoi à Marseille parce qu'à Montréal, il n'y en aura pas. Il n'y aura pas de tramway à Montréal. Il n'y aura pas de tramway en 2017. C'est-tu ben non, ça? Ben non, mais ben pourquoi non, ben... il y aurait. Mais c'est une belle idée, le tramway à Montréal. Pourquoi on ben pourrait faudrait pas. Il faudrait fermer ouais. la Côte-des-Neiges ouais. pendant 2 ans. Ouais. En même temps qu'on va fermer l'échangeur Turcot. Ouais. Puis on va regarder toutes nos cônes, là. Puis je pense que les Montréalais sont un peu tannés de cônes. Ils en veulent un peu pas, moins. Moi, hein. On n'a pas trop ça. Ah, ils aiment ça. Ils aiment ça. Bon, ben moi, j'ai pas besoin de prendre Côte-des-Neiges. Fait que fermez-le. Ouais, c'est ça. Non, ça prend plus que 4 ans pour construire un tramway. Ça prend juste pour une ligne d'autobus sur le voie Pinot. Ça fait 20 ans qu'on essaie de la porter. Je le sais, ça n'a pas de bon sens. Montréal a de l'air poigné. Hein? La ville de Montréal a de l'air poigné. Ouais, mais c'est quoi votre solution pour dépoigner ça? C'est de faire phrase. Le ménage ouais, ça, c'est facile. En commençant par le haut et non pas par le bas. On chiale toujours après l'école bleue à Montréal. Ouais. Le problème, c'est après l'école bleue. C'est drôle, j'aurais dit c'est l'école bleue. C'est la haute direction. C'est la haute direction? C'est toujours vers le haut. C'est pas du mauvais monde, mais il y en a peut-être un peu trop. Il y a trop de chapelles, il se parle pas assez. C'est ça. Quand il y a un problème d'une organisation, ouais. vous connaissez ça, vous êtes à Radio-Canada, hey, c'est jamais la faute du monde en bas. Hein? Ma boss, ça va s'en aller dans pas long, puis on parlera de l'organisation quand elle va s'en aller. Mais là, à date, ça va super bien. Ça va super bien. Il n'y en a pas de problème. Non, on va essayer de changer comment fonctionne le haut de la ville de Montréal. Vous allez okay. voir, ça va s'améliorer. Bien, justement, parlons un peu du haut, parce que la critique a été faite souvent qu'il y a trop d'élus à Montréal. Quand on compare à des ouais. villes comme Toronto, comme New ouais. York aussi, ouais. il y a presque 2 à 3 fois plus d'élus. Oui. Mais vous avez dit que non, on ne touchera pas au nombre on d'élus. On ne touchera pas à ça. Mais pourquoi on ne toucherait pas à ça? C'est parce que c'est le haut, ça, les élus? Non, mais regardez, à Outremont, il y a 5 élus. Là. Ben, c'est beaucoup. Il y a 4 rues. Ben, essayez de vous faire élire. Essayez de vous faire élire à Outremont en enlevant 1 élu. Essayez juste ça pour le vote. Ça va durer votre campagne. Mais... Là. Si vous avez 1% du vote, ça va être. Mais bon. Je comprends. Mais maintenant, vous nous dites bon. Ça parce que vous êtes en campagne. Quand vous allez être élu, là, vous allez en scraper des ben, élus? Oui. Non. Non, non, non. D'abord, là, c'est pas la ville de Montréal qui décide ça. C'est Québec. Vous connaissez comment braves sont nos députés à Québec. Hey, on en a un tantôt, fait que dites pas non, lui, il est à Ottawa, il est encore plus brave. Non, mais il est à Québec, malheureusement. Ah non, il est à Québec, c'est ouais, vrai. Ouais. Whoop, il est libéral, ouais. c'est vrai. On je pensais à Justin. Ben oui, ah, non, hey, on n'aurait pas Justin ici, franchement. Non? C'est une radio francophone. J'allais dire... j'allais parler de projet de fou, mais là, il faut qu'on se laisse parce que c'est vraiment plus le fun qu'on pensait. Non, mais ce qu'on on parlait de tramway 2017, ça se peut presque pas, mais là, je voulais parler d'un autre projet de fou, c'est le baseball à Montréal. Mais vous êtes pour le retour du baseball à Montréal? Pour le retour, youpi, c'est une ressource ouais. mais unique déjà, à Montréal. Il y a déjà une job au centre-ville. Ouais, on l'a recyclé, mais ouais. c'est pas... Non, c'est pas moi, le vrai. Moi, je suis d'accord avec le retour de c'est pas le vrai. Les gens, est-ce qu'ils sont d'accord avec le retour du baseball à Montréal? Honnêtement, là. T'es des buveux de bière, là. Vous êtes des buveux de bière, là. Ben ouais, des buveux de bière. Mais pas de fonds publics là-dedans, par exemple. Non, pas de fonds publics. Ah, mais tout est réglé. Non, mais si vous êtes maire de Montréal, là, est-ce que vous mettez de l'argent dans un stade? En fait, la première chose à faire, là, il faut qu'on ait une franchise. Oui. Et ça, on pense que ça prend du temps à avoir un tramway sur Côte-des-Neiges. Oui. Peut-être que ça va prendre un peu de temps à avoir une franchise. Oui. Mais pourtant, ça va ceux vite. Ceux qui connaissent le baseball... Parce qu'à Québec, vous voulez une équipe d'hockey, ils l'ont eu, ça a pris 3 semaines. Ah ouais, ça a pris 3 semaines. Sauf que Québec... Non, les remparts, ça marche bien. Hein. C'est ça. Les Québec, ils se contentent des pee-wee, là, mais nous, ouais. on veut la Ligue nationale. Ça, j'aime ça. Ah. Ça, c'est de la musique à mes oreilles. Hey, j'aurais aimé ça avoir juste la bombe, c'est ce soir. Monsieur Côté, vous restez avec nous quand même. Ouais, okay. Ah, parfait, parce qu'on a beaucoup de choses qui s'en viennent. On a peut-être aussi une discussion sur les pancartes électorales, mais on ne va pas vous voulez de punch, là. Hey, on nous reproche souvent à l'émission de ne pas parler suffisamment d'actualité internationale. Et franchement, ben, c'est vrai. On n'en parle on pas en tout. Ben, non, Fred, franchement. Mais pas cette semaine, Fred, parce qu'on a peut-être trouvé notre propre Akli Alit Abdallah hein, qui s'est mélangé habilement intensité et information oui. et nous livre ce soir son premier reportage qui nous provient approximativement de Syrie, je pense. Hein? On écoute. Sur les collines non loin du Sinaï, un jet de pierre de la frontière syrienne, à quelques mètres de Beyrouth, la petite Nassima Mashri attend l'autocar qui la ramènera de l'usine. Son frère Ashrimi, en djellaba, sirote une limonade dans un café avec l'espoir qu'un jour son père revienne de la salle de bain. Une vieille dame me regarde. Elle pense sûrement à son mari parti ce matin pour le village de Halmahbe. Il reviendra ce soir, juste à temps pour dévorer le mouloukia, ce ragoût de viande de jeunes dromadaires que l'on mange trop souvent sous des abris de fortune. Entre les clameurs et les heurts, les chars d'assaut vibrent au son des roulements de tambour pendant KPM pour recevoir René Simard. Mais pour tout le monde, le soleil se couche. Il est 21h à Al-Muhassan. On avait prévu de la pluie, mais ce sont des bombes qui vont inonder le cœur des habitants qui n'ont même pas vu le nouvel épisode d'Unité 9 avec la nouvelle Shandy. Une tempête de sable dans ce verre d'eau se lève. C'est la guerre dans le croissant rouge. Mahmoud Ashrafi, le Caire, pour Reporters sans visière. Ah! Ça me semble assez clair. Ah ben, c'est très, très bon. Hein? Ça se passe là-bas, c'est clair. C'est, quel malheur. On va y retrouver immédiatement Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Ah, Jean-Philippe. Alors, toujours à vient voir les politiciens municipaux. Et je me trouve donc avec la ventriloque et humoriste bien connue, Lise Morin, qui fait le saut en politique municipale avec Renouveau Brassard. C'est une des 10 candidates du parti. Madame Morin, bonjour. Bonjour, Jean-Sébastien. Oh, elle est fine. Je pense que la première réaction, évidemment, qu'on a tous eue en apprenant la candidature que vous avez déposée, c'est est-ce que de plus en plus la ventriloquie est devenue une espèce de passage obligé pour faire de la politique? Vous savez que la ventriloquie et la politique, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'avec moi, on voit très bien qui fait parler la marionnette. Oh, c'est bon, ça! C'est très, très bon. En même temps, Mme Morin, je vous avoue que votre projet me laisse un petit peu perplexe. Je veux dire, dans la mesure où on vote généralement pour des marionnettes, est-ce que vous pensez que votre candidature va faire germer un petit peu la confusion auprès des citoyens de Brassard? Oh, là, vous m'allumez sur quelque chose, là. Est-ce que vous êtes en train de me dire que je devrais changer ma photo sur les pancartes pour mettre celle de virus, comme ça le monde serait moins confondu? C'est qui ce virus? Mon personnage. Oh, il est ici, virus? Oui, il est là. Je vais vous le présenter tantôt. Alors, on va avoir une entrevue exclusive tantôt avec Virus, mais pardon que vous me parlez de votre marionnette. Vous le savez, vous n'êtes pas la seule hein, à faire un duo avec une marionnette. Il y a plusieurs couples. J'aimerais savoir à quel couple d'humains marionnettes vous vous identifiez sur le plan politique. Est-ce que c'est Bibi et Geneviève, Canel et Passepartout, Rizzuto et Gérald de Tremblay ou Fred Savard et Jean-Philippe Vautier? J'aurais été tentée de dire Fred Savard et Jean-Philippe Vautier, mais je sais pas lequel des deux fait la marionnette. Alors, vous êtes bien la seule. Nous, je serais tentée de dire Geppetto et Pinocchio. On va écouter maintenant Fred Savard et on vous revient dans 4 minutes, Jean-Philippe. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de Ici Radio-Canada Première, une émission qui aimerait savoir où Éric Kerr se fournit en question. Fred. Oui. Merci. Oui, alors, j'ai envie de me pencher cette semaine sur les concours de Minimis. Hein, on n'en a pas parlé dans le stand-up. Ben oui. Et de cette pétition pour les interdire qui a connu un franc succès et qui donne presque envie de croire qu'il y a encore de l'espoir dans ce monde pourri. Au moment où on se parle, on a dépassé les 40 000 signatures, même si je dois avouer que je ne l'ai pas signé moi-même. Non. Non pas que je suis pour les Minimis, mais moi, les mouvements de masse spontanés, j'ai tendance à me méfier de ça. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai toujours pas lu un seul Harry Potter à ce jour, ni vu un épisode de Breaking Bad, ni mangé des affaires sans gluten. Ma réaction a été forte quand même pour cette pétition, à un point tel que Musimax a dû réagir et retirer de ses ondes les émissions Honey Boo Boo. Ouais. Et Minimis, question de ne pas passer pour rétrograde, mais en même temps, si c'est pour avoir plus de Mike Gauthier à Musimax, je suis pas sûr qu'on est collectivement gagnant. J'ai quand même envie d'être de mauvaise foi dans toute cette histoire qui, je trouve, sent un petit peu trop la tarte aux pommes, si vous voulez, mon avis. Parce que, imaginons un instant que le gouvernement marois finisse par faire comme en France, hein, on sait qu'ils aiment ça, les péquistes faire comme la France, on l'a vu dans le dossier de la charte, eh bien, disons qu'ils font comme la France et interdisent les concours de Minimis. Qu'arrivera-t-il de cette petite poulette qu'on paradait sur les tremplins de la province? Elles subiront peut-être de l'exclusion. Parce qu'on s'entend que les mères et accessoirement les pères qui inscrivaient leurs enfants de 4, 5 ou 6 ans à ces concours ne deviendront pas subitement intelligents parce qu'une pétition circule et qu'une loi interdit de transformer leur progéniture à viande à pédophiles. Qu'arrivera-t-il sera-t-il si un réseau souterrain de concours de poulichettes voit le jour? J'avoue, c'est une hypothèse complètement folle puisqu'on sait déjà que la Huber féministe Agnès Maltais a déjà dit qu'elle n'interdirait pas ce type de concours parce que, pour citer notre belle élite politique, légiférer dans un domaine privé avec les parents pis tout, c'est bien compliqué. Ainsi donc, des gourdasses pourront continuer à organiser des championnats d'hypersexualisation et les parents pourront continuer à y envoyer leurs petites princesses qui deviendront elles aussi des mères nounounes qui marieront des pères absents et le grand cercle de la séduction cheap continuera sa grande roue. Et on va quand même pas se surprendre après ça que Véro décide de publier un énième magazine féminin où en édito on dénoncera du bout des lèvres les concours de beauté de petites filles entre trois annonces de crème anti-rides dont deux seront illustrées par des photos de foufounes de filles de 12 ans dont on ne voit pas la tête avec en bas de page un sondage pour savoir si vous vous sentez bien dans votre peau même si vous ne vous trouvez pas belle. Ainsi donc, l'obsession de la beauté ne disparaîtra pas avec les minimis, il faut faire plus et c'est peut-être nous les hommes qui avons la solution. Alors, messieurs, ouais, je vous enjoins à faire un geste, vous aussi, pour casser ce cercle vicieux. Ici, je ne parle pas de vous, mais bien du cercle. Cessons donc d'être attirés par les belles femmes. Tournons-nous pour une fois vers les moins belles, les laiderons, les négrichons, les bobos, les chevelettes avec une repousse. Cessons de baver devant les belles femmes et allons voir du côté du pichou pour une fois. Libérez-nous! Libérons-nous de la tyrannie du beau et cessons de ne fantasmer que sur l'enveloppe corporelle maudite. Ainsi cesseront peut-être l'obsession de la beauté qui frappe tant de femmes dès leur plus jeune âge. Ne restons pas insensibles, messieurs. Soyons les chevaliers de la diversité. Tendons notre épée vers les moins nantis par la nature. Elle saura en plus vous le remettre au centuple. Et vous savez, comme je n'hésite jamais à défendre la veuve et l'orphelin, ouais, surtout la veuve et encore, encore plus quand elle est cliquot. Mais cette fois-ci, j'ai envie de dire... Toi, la femme laide, ton calvaire est sur le point de finir. Ouvre ta porte. Un homme est sur le point de te charmer. Pour ma part, je vais rester en retrait. Mais allez-y, messieurs. Je suis de tout cœur avec vous. Il faut bien se sacrifier pour faire avancer la société. Et à mon corps défendant, je serai donc chez Roger tout le week-end afin de consoler toutes ces belles femmes qui seront maintenant esselées à cause de vous, messieurs. J'ai de la misère à applaudir. Maintenant. Fait que je pense que c'est cette semaine que l'émission passera pas en onde, hein? Je pense. OK, on va retrouver Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien? Je me demande tout le temps ce qui me retient de faire une thrombose quand je l'écoute. Je sais, cette semaine, je vous aurais bien accompagné dans votre thrombose. Oui. Vous êtes où, toujours là, dans votre affaire? Madame, ben oui, toujours Madame Lise Morais, ventriloque politicienne. Madame Morais, on fait des blagues depuis tantôt là, sur le fait que vous êtes ventriloque, mais vous êtes évidemment ici pour parler essentiellement de politique. Alors dites-nous, sur le plan de la politique municipale, c'est quoi les grands enjeux, les grands défis qui attendent Brossard au cours des prochaines années? Ben, il y en a beaucoup. Ces dernières années, on a beaucoup oublié le citoyen, qui est celui qui paie les taxes, et on a pensé plutôt promouvoir la construction à Brossard, et ce qui a amené beaucoup de problèmes, dont des problèmes de circulation, gangs de rue, etc., etc. Bon. Nous, ce que nous voulons faire, notre candidat à la mairie, M. Louis Lemoine, désire donner beaucoup plus de pouvoir aux conseillers municipaux. Honnêtement, Mme Morais, je vais vous arrêter, ça m'intéresse tellement pas, là. Hey, je me forge, je suis pas capable, voyons donc. Je veux dire, ça demeure toujours bien rien que Brossard, là, on est 17 avant le Canada. Je veux dire, ça vous tente pas de nous faire quelque chose de plus intéressant, un beau numéro de ventriloquie à plat, je veux dire. Je trouve qu'on n'entend jamais des ventriloques à la radio, puis je trouve ça bien plat. Par Radio-Canada, on manque d'audace. Mon Dieu, qui c'est ça, là? Hey, salut, mon Mais voyons donc, c'est Virus! On dirait bien le mieux. Bonjour, Virus! Oh, mon Dieu, salut! Hey, ferme-moi la main, elle bouge pas de ciel! Mais enchanté, Virus! Mon Dieu, vous bougez même pas vos lèvres! Ben, c'est le but! C'est moi que tu parles, Jean-Sébastien! On dirait Stéphane Rousseau et Madame Gigas! Virus, je fais pas beaucoup de choses sur vous. J'ai voulu aller voir des YouTube sur Internet. Quand je fais Virus dans YouTube, tout ce que je vois, c'est des vidéos de Richard Thomas. Parle-moi un petit peu de ton parcours, s'il te plaît, Virus. Oh, ben, moi, j'ai commencé, j'ai été dans la vente pendant un bon bout de temps. La vente de quoi? Ben, j'ai été obligée d'arrêter escouade des narcotiques. Oh, tablette! Mais je vous invite évidemment à poser vos questions à Virus et à Mme Morais, comme on fait toujours à chaque semaine dans le cadre de Viens voir les politiciens municipaux. Alors, si vous avez une question à poser à Mme Morais, ou à Virus, vous pouvez le faire à la soirée à robinsradio-canada.ca. On lui pose dans quelques minutes. Ouais, merci Jean-Sébastien. Ferenne, notre deuxième invité. Député libéral de Laurier-Dorion, notre deuxième invité n'a pas la langue dans sa poche et encore moins son Twitter dans sa poche. Ouais. Accueillons M. Jerry Sklavounos! Ah! Monsieur le député. Ça va bien. Merci de venir nous voir. Vous connaissez Marcel Côté, mais en fait, il vous connaît pas tant que ça. Il pensait que vous étiez au fédéral. C'est qu'on a été dans une promenade de cycle ensemble. Oui, mais depuis ce temps-là, là, je sais pas si je vous aime. Là. Honnêtement, là, je me comparais à Justin Trudeau. Là, ben, premièrement, je t'ai demandé si vous n'avez pas besoin de lunettes aussi. C'est pas, il manque de cheveux frisés pas mal, je trouve. Un petit peu plus grand, un petit peu plus bâti. Là, ben, pas mal plus, enfin. OK! Non, mais merci de venir nous voir. Premièrement, je voulais vous le dire, ça fait longtemps qu'on veut vous avoir à l'émission. Ah ouais? Ah, ça fait. On s'est C'était dit, pas au courant, là. On s'est dit, ça sera pas tout le monde en parle qui va l'avoir avant de dire. Non. Ah, c'est cool, là, hein? Est-ce que vous êtes allé à tout le monde en parle? Non, pas encore. On a gagné! On a gagné! Hey, mais. Puis honnêtement, là, je trouve ça bien plus agréable ici que tout le monde en parle. Ben, premièrement, hein? C'est-tu cool, hein? Hein? Tout le monde en parle, c'est 6 heures d'enregistrement, tu bois pas, tu peux pas aller aux toilettes, t'as des fois des carottes entre deux breaks. Pour vrai, là, personne va aller là. Mais c'est le fun d'avoir un membre du Parti libéral parce que, oh, pas boy, il y a de l'action ce temps-ci, hein? Ouais, c'est. Ben, première chose, la question qui nous vient en tête, évidemment, c'est comment va Christine Saint-Pierre? Écoutez-vous bien, là, tu sais. C'est une bonne fille. Elle émotive un petit peu, là. C'est bien sûr que quand on parle de ça, ça réagit. On l'a eu ici il y a peut-être un an, à peu près. Et puis, franchement, ça a très, très bien été. Comme Fred dit. C'était le fun. Ouais, il y a eu de la poésie. Ces deux-là, là. Ouais. C'est, Ils s'aiment pas. Hein, ils s'aiment pas. Pourtant, ils ont déjà eu. Ils ont déjà été dans des assemblées syndicales ici ensemble. Là, que, ça dure-tu depuis ce temps-là ou c'est-tu nouveau, là? Tu sais, je sais pas. Je sais pas non plus. Ils s'entendent pas bien. Hein. Mais bon, c'est pas grave. On parlera pas de Christine tout le long. Mais là, Christine, elle va bien quand même. Ben oui, ça a l'air. Correct, ça s'est replacé. Là, bon. T'allais s'excuser auprès de Mme Marois. Là, tu sais, c'est... Puis, mais est-ce qu'elle a vraiment. Puis là, je dis ça parce que je n'étais pas à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'elle a vraiment dit ça? Moi, honnêtement, là, mon whip est retourné me voir et m'a dit: as-tu entendu ce qu'elle a dit? C'est Pierre Moreau. Oui, il est venu. Interviewé, il m'a dit: as-tu entendu ce qu'elle a dit? J'ai dit: j'ai entendu mensonge. Là, tu sais. Ah! Fait qu'elle me dit: c'est pas. Mais elle me dit, je suis pas sûr que c'est ça qu'elle a dit. Là. Bon. De mon angle, là, j'avais entendu mensonge. Bon, mais dans le fond, elle s'est un peu mise dans boîte quand elle s'est excusée. C'est comme celle-là avait avoué. Là. Mais là, j'ai écouté Marjolaine Dufour là, qui nous a dit ce qu'elle avait dit. Ah! Bon. Il n'y avait pas juste mensonge. Hein? Ça ressemble un petit peu à mensonge. Là. Mensonge. Hey, une bière, je ne sais pas faire de bière. C'est une bière de Montréal, je le dis tout le temps. C'est une Gutenberg sans gluten. Achat local. Achat local, tout à fait. OK. Vous êtes député. Libéral de Laurier-Dorion. Laurier-Dorion, ça comprend. Parc Extension et une partie de Villeray, une bonne partie de Villeray. Là, si je comprends bien, là, puis c'est pas loin de Papineau aussi, vous êtes dans le coin de. Je termine à Papineau. OK, parfait. Est-ce que vous. Donc, vous connaissez mieux Denis Coderre que vous connaissez M. Marcel Côté, je me trompe pas, là? Ben, je connais Denis, mais je connais Marcel aussi, là, tu sais. Là, je sais pas, je l'aime plus, comme je vous ai dit. Ben, non, c'est ça, mais ça va se régler tantôt. Ça va se régler là, honnêtement, il vient de se tirer dans le pied, puis je comprends moi-même, il nous connaissait même pas avant d'être ici, tu sais, c'est pour vous dire. Non, c'est pas vrai. On parle de l'actualité de la semaine parce que oui, on a parlé de Christine Saint-Pierre, mais il y a aussi une autre chose qui occupe le Parti libéral. Je dis occupe, l'UPAC. En fait, non, mais on riait tout à l'heure en disant que c'est la troisième visite. Es-tu con d'avoir créé ça, là, les libéraux, le maudit? Là? Ben, c'est vous autres, ça, l'UPAC. Hein? Es-tu con d'avoir fait ça? Là, ben, ça, je veux dire... Réquisitionne chez nous, là. Ben, moi, je pensais que vu que vous l'aviez créé, là, vous aviez déjà tout donné ce qu'il y avait à donner, mais visiblement pas. Il y en a encore! Là, on avait donné les outils, là, ils viennent chez nous. Là, ben, c'est ça. Là, on sent que ça coule dans... Mais j'étais pas au courant, là, honnêtement. Là. Ben non, justement, parce que... Cette phrase d'un autre politicien municipal, j'étais pas au courant. Non, mais c'est ça. Monsieur Tremblay, d'ailleurs, qu'on salue. C'est mon payant, L'autre dossier, donc, vous étiez pas au courant de rien. Est-ce que le Parti libéral va recevoir encore de la visite de l'UPAC bientôt? Je sais pas. Aucune idée de ça. Évidemment, le sujet qui nous intéresse vraiment, c'est la charte, parce que, ben, on a un candidat à la mairie de Montréal, on a un député du Parti libéral du Québec, et la charte, honnêtement, ça a été le sujet du début de la session parlementaire, et j'ai l'impression que ça va être le sujet pour la prochaine année aussi, si je me trompe pas. Hein? Le Parti libéral se positionne un peu entre les deux. Puis entre les deux, on sait pas de entre les deux quoi, là, entre le Parti québécois puis le bon sens. C'est pas moi qui l'a dit, hein? C'est cool, ça. C'est pas moi qui l'a dit. Mais expliquez-nous rapidement la position du Parti libéral avec la charte. Mais là, dans le fond, premièrement, commençons par le début. Là. Je comprends pas pourquoi on a besoin de ça. Là. C'est quoi le problème? Je sais pas, on se promène. Là. Moi, je représente Laurier-Dorion, c'est à Parc Extension. Vous savez que Parc Extension, c'est Québécois pur laine, on le dit, là, tu sais. Fait que il y a juste des Blancs et des catholiques. Ouais, ben oui. On se promène dans la rue, là. puis je sais pas, il n'y a pas de problème, là, tu sais, j'ai pas vu personne attaquer personne avec un kirpan, là, tu sais, il n'y a pas de... Il n'y avait pas raison de faire ça. Moi, honnêtement, je vois pas la raison, là, tu sais, entre la charte et le baseball, je préfère le baseball, ouais. Là, tu sais, entre toi et moi, là, honnêtement... Je pense que c'est la perception de beaucoup de monde, ouais, aussi, mais, bien mais, honnêtement, là. Émilie de l'énergie. Ben oui, ben, Saint-Fulgence aussi, c'est une belle place. On a parlé, ben justement, il y a Fatima Oudapépin, on a entendu parler de ça cette semaine dans le journal. Dans le journal, parce que fait partie de votre caucus au Parti libéral, et selon le Journal de Montréal, on dit qu'il y a un certain malaise à l'intérieur du caucus parce que la députée Fatima Oudapépin ne serait pas nécessairement à l'aise avec la position de son parti. Est-ce que c'est vrai, ça? Ben, connaissez-vous Fatima Oudapépin? Non. Ben, il y a souvent un malaise avec Fatima Oudapépin. C'est rien de nouveau. Je comprends pas la question. On là, pas de montage là. Là-dessus. Hein? C'est une émission d'actualité. Ça, je comprends rien. Là, fait que juste pour être malaise. Certain, la dernière fois qu'un député a eu un malaise avec le... la dernière fois qu'un député a eu un malaise par rapport à la charte dans un parti... À mon souvenir, c'est Maria Mourani, ouais, au Bloc, ouais, et M. Payet, l'envoyé dehors. Ma députée en passant, là, tu sais, puis honnêtement, ça, je trouve ça pas cool, là. Eh bien, justement, ce serait peut-être pas la job de M. Couillard de demander à Fatima Oudapépin, qui visiblement fait l'unanimité, de s'en aller. Mais on n'est pas comme ça, nous, on est inclusifs. Ah, vous êtes inclusifs? Ouais. On est inclusifs. Ah. C'est la différence entre nous et eux autres, PQ, là. Ben oui, on peut comprendre, on peut comprendre. La censure, là, c'est pas chez nous, là, il n'y a pas de ligne de parti, là, vous savez ça. Ah non? Chez les libéraux, là. Non, hein? Honnêtement, là, tu sais, on se tient pas, là. C'est tout le monde s'exprime sait, librement, là, tu sais. Est-ce que j'ai entendu quand les vagues est parti, je pense, hein? C'est la dernière fois. Mais sans blague, est-ce que j'ai entendu qu'il n'y a pas de ligne de parti au Parti libéral? Ben, non, mais honnêtement, là, les lignes sont comme suggérées, là. Tu n'es pas obligé d'y dire. Ouais. Mais sans blague, là, sans blague. Honnêtement, vrai, là. Des lignes sont suggérées, là. Mais à la fin, là, tu demeures le maître de ta réponse, ah, là, tu sais. Mais disons que la plupart, tu sais, qui sont un petit peu mal à l'aise, ils lisent ce qu'il y a sur la feuille. OK. Mais les lignes sont suggérées, là. Elles sont pas obligatoires, là. Ils sont comme highlightés, mais vous n'êtes pas obligé de les lire. Pas comme au bloc. Au bloc, la ligne, il faut que tu la lises exactement comme elle est décrite. Autrement, tu te fais. Au bloc, sont quatre. Fait que c'est embêtant. S'il y en a qui se séparent, c'est la moitié du parti. En fait, il n'y a même pas de document, il en parle dans le char. On a bien du fun. Là, on a député à Montréal, candidat à la mairie de Montréal. J'ai décidé qu'on allait parler un peu de pancartes. Parce qu'on a parlé de Denis Coderre. Denis Coderre a décidé cette année de ne pas dépenser une scène sur les pancartes électorales. Il n'y a pas besoin de pancartes, il est toujours sur la flaque. Là, c'est, ben, ouais, non, ça, c'est sûr que ça aide à être un peu partout. Mais quand même, il faut qu'il se fasse connaître. Mais j'ai amené les pancartes parce que les différents partis, donc Mélanie Joly, le parti de Marcel Côté et le parti de Richard Bergeron, ont décidé d'en faire. Alors, je les ai amenés ici parce que je les trouve bien belles. À la radio, c'est et payant, ça, regarder des pancartes. Vous avez fait combien de campagnes électorales? Moi, j'en ai fait trois. Là. Trois campagnes. Ben, vous connaissez ça, les pancartes, donc. Ouais, j'en ai posé moi-même. Alors, on a Mélanie Joly que vous avez vue ici. Mon Dieu, que c'est gros. La première de Mélanie Joly, c'est la grosse pancarte carrée où est-ce qu'on voit Mélanie. Ça a l'air un peu d'une pub de Vidéotron. Non, moi, si j'ai une maison à vendre ou à acheter, je l'appelle. On en pense quoi de la pancarte de Mélanie Joly? Ben, je trouve que ça fait un petit peu Coco Chanel, là, tu sais. Ben oui, justement, on a l'impression que c'est une annonce de film. Hein. Mais maudit qu'elle est jolie, là, tu sais. Ben, vraiment jolie. Ben, c'est sûr qu'après ça, quand on vient présenter celle de Richard, c'est sûr que c'est pas le même look. Mais c'est différent. Mais en même temps, ça dit ce que ça a à dire. On sait que c'est une élection. La pancarte de Projet Montréal, on voit l'équipe Bergeron. On sait que c'est une campagne électorale. Alors que Mélanie Joly, on dirait qu'on on le groupe Mélanie Joly. Ça a l'air d'être... Mais c'est tellement moins beau regarder Richard Bergeron. C'est sûr que c'est un... Je suis désolé. Là, maintenant, vous allez être bien honnête. On a la pancarte de Marcel Côté. On est ici. C'est Anna, là, je cache Mélanie Joly. Et puis ça, tout ça se fait à la radio, hein, on le sait. Ça, je trouve ça le fun. C'est ça qu'il faut jamais oublier. Alors, dans les trois pancartes que vous avez vues, là, ouais, laquelle des trois est la plus convaincante? Ben, c'est simple, hein? C'est Marcel Côté. Coalition. Évidemment. Vous savez que coalition, là, on mêle ça avec collusion. Souvent. Non, mais je trouve que ça... Non, mais ça laisse... Non, mais c'est le niveau de lecture à Radio-Canada, ça. Ah! On a donc bien des problèmes à Radio-Canada. Mais vous aimez ça, parler de ça. Hein? Ben, c'est parce que je trouve que ça a fait l'actualité en masse. Là. Mais en même temps, vous avez une chance, vous, M. Moi, Côté. Moi, je viens pas de là. Ça fait trois mois que je suis en politique. Absolument. Et puis, vous n'avez pas engagé de candidat d'Union Montréal. Ah, oui. On a pris six. Ah, juste six. Ah, parce que Denis Coderre, il n'y a pas un qui était un membre du comité exécutif. Fait que c'est du monde qui voyait rien puis qui savait rien mais vraiment. C'est pas des lèpres, après tout. Non, non, non, non. Les anciens d'Union Montréal, on en parle, puis c'est des lèpres, là. Ben ouais, non, non, c'est vrai. Il y a pas de problème. On pourrait parler des anciens de Radio-Canada qui sont en politique aussi. Je veux pas me lancer parce que je pense prochainement me présenter aux élections. Parce que j'ai une super pancarte à vous présenter. Celle-là, là. Regardez, c'est jeune, c'est beau, c'est la mienne. C'est ma pancarte d'émission. Il me semble que si vous mettez une pancarte de même, là, regarde. On a pas le goût de voter soit pour la coalition de Marcel Côté ou soit pour la coalition de Jean Radio. Je ne vois pas, là, mais Jean-Philippe, là, il est à peine se mettre deux affaires à ses oreilles pour rien comprendre, pour rien écouter. Ouais, mais c'est des écouteurs. Non, c'est des écouteurs. Il y a beaucoup d'écoute. Ouais, mais il écoute Radio-Canada, il écoute pas le peuple. Là. Bon, mais c'est vrai que t'es beau, là. C'est dommage que tu passes à la radio puis pas à la TV. Là, je... Bon, ben, en tout cas, je vais être fâché puis je passe à la TV aussi. Mais là, on s'en parlera tantôt. Donc là, la dernière question que j'ai envie de poser au député libéral, c'est celle-ci. Il va y avoir des élections, c'est le 3 novembre. Vous allez voter pour qui? Soyez bien honnête. Dans mon district? Oui. Je trouve que mon conseiller municipal est bien bon. Puis c'est qui? Arout Chitilian. Puis c'est dommage, je sais, Marcel est à côté de moi, puis ben je l'aime bien, mais mon conseiller municipal, il est très, très bon. Alors, il va diviser son vote. Il va diviser son vote. Ça semblerait. Comment? Ben, il est avec Denis Coderre. Ah, Denis Coderre, c'était l'ancien président. Là. Il a failli passer d'ailleurs à la mairie de Montréal avec Laurent Blanchard. Finalement, c'est Laurent qui a gagné. On a reçu d'ailleurs Laurent qui était très intéressant. C'est un chic type, je le connais. Il est, tu sais, pour faire de la campagne municipale, là, c'est pour ça que je parle de mon district. Là. Ouais. C'est là où je réside. Là, ouais. Ma députée Christine Saint-Pierre et Maria Mourani qui est indépendante maintenant. C'est un quartier qui est cool là, chez nous. Là. Est-ce qu'il y a de l'action Christine, en temps? Maria, ça bouge. Merci beaucoup d'être venu nous visiter. Vous restez encore avec nous. Il nous reste encore une couple de minutes, hein, oui. Fun. Oui. Justement, d'ailleurs, je pense que c'est la chronique d'Olivier Niquette. Oui. Vous nous présentez ça. S'il passait autant de temps à sniffer de la cocaïne qu'à écouter la radio Jambon, il serait rendu pas mal plus loin que New York. Voici la chronique d'Olivier Niquette. À mon avis, c'est l'émission de toutes les mises en demeure. Ouais. On va concentrer ça dans la même semaine, ça va être réglé pour la saison. Bon. Olivier! Oui, ben vous en avez entendu parler. Hein, Apple sortait la semaine dernière son nouveau système d'exploitation pour l'iPhone, iOS 7. Oui. Et on va se dire les vraies affaires. Là, Jeff Fillion n'aime pas pantoute la nouvelle interface. Ceux qui ont créé la plateforme de Apple, ils sont gays, là. Ils essaient de nous entrer dans leur gang. Je suis un hétéro, fier de l'être. Je suis un gars viril. Je vais avoir un téléphone qui me ressemble. Pas avoir un téléphone de fille. Pas avoir un téléphone de fif. C'est un téléphone de fif. Hey, c'est fou, pareil, hein, comment la virilité tient à peu de choses. Il en va de même pour l'intégrité. Et justement, le porte-parole semi-officiel du PLQ, Jean Lapierre, se questionnait sur l'interrogatoire qu'a imposé l'UPAC à Philippe Couillard, insinuant qu'il pourrait s'agir là d'un vaste complot. Mais il n'y a personne qui veut croire que la police aurait un agenda politique, mais les circonstances des derniers jours amènent tout le monde à dire « Mais qu'est-ce qui se passe? » À qui profite le crime? Oui, à qui profite le crime de vouloir attraper des criminels? Ben, à pas mal tout le monde, je dirais. D'autre part, pour revenir encore sur la charte des valeurs québécoises, Radio X à Québec se donnait cette semaine une sérieuse option sur le prix Judith Jasmin en déguisant l'une de ses autoproclamées journalistes, Josée Morissette, en femme voilée. Tu sais, je me disais, Caroline, si en 14 ou 15 ans, tu te fais invectiver une fois... C'est pas si pire quand même, parce que moi aussi, je me fais écœurer en tant que blonde, des fois, qui conduit mal au volant. Blonde et femme voilée, même combat. D'ailleurs, pourquoi ne pas interdire les blondes qui chauffent de façon ostentatoire? En tout cas, Josée était toute prête à se faire lapider sur la place publique, sauf que le pire s'est produit. J'aurais bien aimé ça qu'ils soient intolérants, mais c'est pas vrai. Les gens étaient bien gentils avec moi. Ben oui, désolé, on n'est pas raciste finalement. Quelle déception. Reste que c'est vrai que la charte a fait ressortir certains propos racistes, mais selon Sylvain Bouchard de Cogeco, tout ça ne sert qu'à nous divertir des vrais enjeux, comme le prix de la gasoline qui pourrait monter à 1,66. Là, s'il y en a qui disent « Excellent, on va clairer la Marois, ça n'a pas de bon sens, le gaz 1,66 », oubliez ça! Ils vous parleront pas de ça, les médias biaisés, pro-péquistes, ils vont vous parler de la charte des valeurs. Ouais. Et là, ils vont inciter le petit fond de racisme qu'il y a chez certains, puis « Ouais, les immigrants, puis les ci, puis les ça ». C'est vrai, c'est comme si la charte nous donnait le droit de dire que certaines communautés sont moins bonnes que d'autres, ce que Sylvain Bouchard ne ferait jamais. Il y a un problème au Québec. Les Asiatiques, les Chinois, les Japonais, nommez-les toutes, sont quasiment à 0% de chômage. Jamais. Et 0% de BS. Or, dans certaines communautés, c'est 30%. Je pense qu'il y a des communautés où ils viennent ici, puis ils voient tout le monde sur le BS puis chômage, puis ça va assez bien. Fait que, ils suivent. J'espère que ça excite pas trop le racisme de nos auditeurs. Il ne faudrait pas qu'on oublie que le prix du gaz va monter à 1,66. En fait, la charte révèle qu'on est mêlé plus que raciste, comme en témoigne le sondage qui disait que 56 % des gens seraient mal à l'aise qu'un éducateur en garderie porte la kippa, plus mal à l'aise que pour le voile. Explication du gars du sondage. Ce qu'on fait comme hypothèse, c'est qu'en réalité, peut-être qu'il y a eu confusion pour certains répondants avec le kirpan. C'est vrai que ça se ressemble, à part qu'il y en a un des deux que tu peux couper ton steak avec. Mais il y a du monde encore plus mêlé, comme cette auditrice de Jacques Fabi. Que je peux pas capable d'endurer, puis que si j'en vois une devant moi, je pense que je lui enlève, c'est la charrue. Ah, oh, excusez pas, la charrue, la charia. La charia, mais ça, c'est autre chose, là. Ouais, ouais, tu sais. Oui. Mais ça, une charia, ça, une charia, ça se porte pas sur la tête, là. Ben oui, on voit pas le visage. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper, mais moi, des fois, je confonds mes bobettes avec un turban. Ce qui n'est pas le cas du nudiste de Repentigny, un récidiviste qui s'est encore fait pogner la zouine à l'air la semaine dernière. Il n'en fallait pas plus pour que Denis Lévesque le reçoive pour faire toute la lumière sur son absence de bobette. Moi, je vous fais un cadeau. Ça, c'est mes petites bobettes. Hop, là, je vous ai fait un cadeau. Pensez-vous que je veux de vos petites bobettes. Puis là, votre femme, elle va vous dire que vous avez des belles fesses là-dedans. Ah, un autre grand moment de télé. Et ce qui est merveilleux, là, c'est que pendant qu'on imagine Denis Lévesque en bobette, on oublie complètement que le prix du gaz va monter. Merci, Olivier! Seigneur Dieu! C'est avec un plaisir toujours renouvelé que nous retrouvons notre ami Kevin Gosselin du Radio X Jazz. Vous écoutez Radio X Jazz, la radio où une blanche vaut deux noires. Toujours à l'écoute de l'émission des Arts d'Arien, Kevin Gosselin au microphone. Nous avons reçu beaucoup de courriers cette semaine, des factures, bien sûr, des lettres d'agences de recouvrement. Malheureusement, je ne parle pas de la toiture de la station. Mais heureusement, il y avait aussi une lettre de Bob Bilodeau, l'organisateur de la marche Pro-Charte, auquel j'ai eu la chance de participer la semaine dernière à Saint-Christophe-de-Lobinière. Alors, je vous la lis. Yo Kevin, merci d'être venu nous appuyer, le gros. On n'était pas beaucoup, mais on était crinqués en tabarnak. C'est pas vrai que les bamboulas vont venir nous dire qu'est faire dans notre Québec. Alors, il n'y a pas de quoi, Bob, ça me fait plaisir. J'avoue, je ne participe pas souvent à ce type de manifestation, mais là, la cause était trop importante et comme je passais la fin de semaine dans la région pour le mariage de mon cousin Mart avec ma cousine Cindy, je me suis dit pourquoi pas. Dans un autre ordre d'idée, je vous rappelle que nous avons toujours l'intention de diffuser l'émission des Airs d'Arien en direct du Centre des congrès de Laval le 24 novembre prochain pour le concours de Minimis qui aura, nous l'espérons, toujours lieu. Je sais que la gauche caviar fait circuler depuis quelques jours une pétition contre ce type d'événement, mais contrairement à Musimax, nous ne reculerons pas afin que la liberté d'expression triomphe au Québec. Et j'ose espérer que la direction de notre station, c'est-à-dire mon beau-frère Chuck, ne reculera pas non plus à l'idée de faire un calendrier Baby Dream Team. Alors en support à notre cause, on va y aller en musique avec le Stanley Turrentine Orchestra et la pièce My Girl is Just Enough a Woman for Me sur les ondes du Radio X Jazz de 91,10. Et on va aller retrouver Jean-Sébastien Girard pour un rare moment de tranquillité quand même. Jean-Sébastien? Non, bon, Jean-Philippe, comment allez-vous? Ben, ça va pas pire, ça va dépendre de ce que vous allez nous dire. Voilà, toujours avec Mme Morin et avec Virus également, on se rappelle que les deux sont candidats aux élections municipales à Brossard. Alors, on va passer maintenant à nos courriels d'auditeurs. Alors, le premier nous vient de Québec, ouais. Comme ceci. Bonjour, Mme Morin. La ventriloquie, c'est ben niaiseux. Vous puis votre marionnette, mangez donc un char. Mon Dieu, c'est bien là. C'est signé, c'est Saint-Pierre de Québec. Franchement, on trouve ça vraiment ordinaire, là, du courriel haineux comme ça. On pourrait s'en passer. On m'apporte un deuxième courriel ici maintenant, qui nous vient toujours de Québec, et ça nous vient d'une Christine S.P. Et ça dit, je m'excuse. Ah ben ça, c'est gentil. Ah, si c'est par écrit, je l'accepte. Bon, alors, hein, en même temps, qui peut dire qu'on n'a jamais lancé de pierre? Et on termine avec un dernier courriel qui nous vient d'une CF Pierre de Montréal. Est-ce que ça fait caca une marionnette? C'est... Non, franchement, non. Là, on est vraiment, vraiment tenu. On fait des efforts pour faire de la belle radio, recevoir de beaux intervenants. Franchement, je trouve ça ordinaire. Ben non, c'est ça. Personne ne veut ça. Jean-Sébastien, ça, je suis tanné de vous parler. Je suis très, très, très fâché de la tournure des événements. Ça me surprendrait, oui. Déçu, déçu. Merci beaucoup, Mme Morin. Virus également. On ira faire évidemment éventuellement un tour à Brossard si jamais on a flat. Bye, Jean-Sébastien. Bye. Hey, c'est la dernière fois que je vous parle, je pense. Je sais cœur et de vous. Hey, Fred, présentez-nous notre dernière chroniqueur, s'il vous plaît. Son regard absurde de l'actualité et de la petite bière comparé à ce qu'on a entendu cette semaine à l'Assemblée nationale, voici la chronique de Léa Strelitzky. Bonsoir Léa. Bonsoir. Ah, des shorts finalement cette semaine. Ouais. Alors les nouvelles un peu folles. Alors dites-moi, la première nouvelle, un avion de la compagnie Lion Air entre en collision avec une vache. Ouais, d'abord je veux juste préciser que ça c'est arrivé à l'atterrissage, la vache ne volait pas. Ah, ben oui, c'est parce que j'étais pas certain de celle-là. La GRC vend maintenant une Barbie à son effigie. Ouais, absolument, ils ont sorti une Barbie à l'effigie de la GRC. Je ne sais pas à quel point je trouve que Barbie est crédible en agente de la GRC, moi personnellement. Ben je sais pas, je trouve ça pas pire, moi, non. Non, moi j'ai vu une photo d'elle en uniforme police montée, je trouvais que ça avait l'air du début d'un film porno. Des médecins chinois font pousser... Ah, c'est pas une belle phrase ça. Non? Des médecins chinois font pousser un nez dans le front d'un patient. Oui, absolument, parce que il avait été défiguré dans un accident d'auto, c'est pas drôle du tout. Non, je mais, sais. Mais il sera pas vraiment moins défiguré comme ça, vous allez me dire, avec un nez dans le front. Ouais, non, mais c'est pas pire quand même. Je veux dire, les médecins t'injectent des... comment ça s'appelle? Des cellules. Non, des cellules... nasales. C'est multiplicateur de cellules, apparemment. Ouais. Puis ça te pousse dans le front. Fait que c'est un peu comme les fermes sur les toits, mais pour les organes et sur ta tête. Mais je veux dire, c'est pas la finalité de ça. Ils vont le déplacer dessus le nez, ramener le nez. Oui, ils vont y remettre... Je sais pas comment ça va se passer encore. OK, ben je trouve ça le fun. Et la dernière nouvelle de la semaine... C'est-tu ma dernière? Ben ça a l'air, on continue. Oui, on y va. Un athlète italien utilise un faux pénis à un contrôle antidopage. Ouais. Ça m'intéresse, par exemple. Ouais. Un faux pénis. Je sais pas si c'est... Pas sur sa tête, lui, ben, aussi. Ben, c'est ça, je sais pas si ça l'était fait pousser dans le front. Merci de me voler des punchs, Fred. J'ai pas lu ton texte, en plus. Je sais. Jamais. Mais on pense pareil. On est de même. Communauté d'esprit. Non, c'est ça. Fait que je sais pas où est-ce qu'il avait pogné son faux pénis, mais en même temps, quelle belle idée. Je veux dire, tu prends un réservoir en forme de faux pénis, de pénis, tu le remplis d'urine de quelqu'un qui a pas pris de drogue, tu te pointes là, et puis effectivement, tu passes le contrôle. Sauf que regarde, comme il est innocent, le gars, il avait une bonne idée, sauf qu'il a dit au contrôleur, j'aimerais ça être tout seul. Ce qui est interdit. Ouais. Donc, le gars, il reste avec. Puis, bon. Mais pourquoi ça? Il s'en est douté. moi, ce que j'aurais voulu voir, c'est le moment où est-ce que le contrôleur a tiré sur le faux pénis comme une fausse barbe de Père Noël. c'était mes nouvelles insolites cette semaine. Moi, je trouve que ça finit très bien notre semaine, ça. Et avec vu que sourire. Dis, un peu de léger dans cette émission-là, ça fait du bien. C'est ça. Mais je finis toujours par une joke de pénis. Je pense que c'est vous qui m'influencez. Je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, on va se dire les vraies affaires. Vous êtes probablement la seule chose qu'on coupera pas dans ce show-là. Pour une fois, d'habitude, c'est toujours l'inverse. Je suis assez contente, là. Merci beaucoup, Léa. C'était excellent. On vous invite à... Parce que c'est déjà tout pour cette semaine. Ah, mon Dieu, que ça a passé vite. C'était lourd. On vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques minutes, c'est la bibliothèque de René où on visitera la bibliothèque intérieure de Catherine Trudeau. Et ensuite, je remercie à toute l'équipe, à Marie-Hélène Racicot, Jean-Loup Gagnon, Steve Côté, Philippe Roberge et Alex Courteau. Et un gros merci à nos invités de ce soir. Marcel Côté, l'élection municipale le 3 novembre. Tout le monde va voter. Pour les... on peut pas influencer personne ici. Hein. Ben, ouais, mais il faut voter du bon côté, puis à part ça... OK, votez du bon côté, puis rappelez-vous de ça, faut que ça rime avec côté. Et Jerry Sklavounos, bonne chance pour les prochaines élections, parce qu'il va en avoir des élections, je suis convaincu de ça, et j'espère, parce qu'on va savoir plein de policiers dans ce temps-là. Hein? Alors, bonne élection, on parle du mois de décembre, et pour nous, si vous voulez réécouter notre émission, c'est disponible sur notre site web en balado, et venez assister à l'enregistrement, c'est toujours le fun, et on entend des bouts qu'on coupe souvent. Oui. et qu'on n'entend pas à la diffusion. Alors, vous nous écrivez un courriel, on va se faire un plaisir de réserver une place. Ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée, qui est encore jeune. Merci tout le monde.